Clément. Bonsoir Tonaï. Bonsoir Jack. T'as vu, il fait bientôt nuit. Ouais. Il fait bientôt ouais. Soir. Ouais, il fait bientôt soir. Comment il va? Eh ben écoute, je vais pas te mentir. Ouais. Ça pourrait aller mieux. Ah. Hein, t'as une petite forme. Un petit rhume. Un petit rhume. Ouais. Ouais. Je tiens quand même à préciser pour les gens, et je t'en remercie, que tu as proposé de porter un masque. Oui. Et moi j'ai dit écoute non c'est bon on prend sur nous enfin je prends sur pour moi ceux qui connaissent Jack prends sur moi c'est un gros effort de sa part oui attention. Oui là, je suis un peu en train mais par contre t'es déjà obligé de pré-shot en t'excusant pour les gens si jamais il y a pas d'épisode la prochaine fois. Ah d'accord tu notes comme ça et, ça nique tout en plus t'as vu je t'ai montré le running des épisodes ça fait 2 heures sur rue en moins au pire bah pas forcément un seul. Non, alors déjà, commence pas à pré-vendre des hors-séries qui sont pas prévues. Ah ouais. Y a rien. Des trucs qu'il n'y aura peut-être pas. Bref, on est là pour se retrouver pour faire une rétro chronique, à savoir qu'on va parler des groupes qui sont déjà venus au Hellfest et donc qui ne rentrent pas dans la DA des épisodes classiques, à savoir ceux qui viennent pour la première fois. Ouais. Et donc l'idée aussi, c'est de te faire découvrir, je l'espère, des groupes que tu ne connais pas. Et parfois, bah, soit de créer un petit choc musical, soit juste, bah, t'avoir fait découvrir un groupe qui te restera pas en tête. Exact. Ce qui n'est pas le cas de celui-là. Ah, on va voir, on va voir. Je sais toujours jamais trop dans quel ordre on y va. Bah, est-ce qu'on commencerait pas par un petit générique? Oh là! Ah oui, là, allez. Faut que tu sois bon. Attends, parce que je viens de me réveiller en plus. Je t'en prie, fais-nous. J'étais de nuit. Oui, t'es toujours de nuit. Je suis toujours de nuit. C'est vrai que je travaille ce soir. Ouais. Oh là là, j'ai eu trop de vacances, je suis plus habitué. Allez, c'est parti. Non, je ne t'insulterai pas. Jen? Oh, Rick. Jen, viens là, s'il te plaît. Oh, Rick. Il y a Jack qui nous demande un générique. Oh, Rick, d'accord. Jen. Oh, Rick. Jen. Oh, Rick. Jen et Rick. Générique. Oh bah putain, là j'applaudis. Ah. Non, t'applaudis pas. Toi, ah, c'est moi qui t'applaudis. Bravo, c'était exceptionnel. Vraiment, je m'y attendais pas. Je m'excuse. Hein. Ah non, mais t'as mal, c'était trop bien. Donc du coup, là, j'avais envie de te faire découvrir ce groupe. Donc c'était une découverte déjà pour toi? Non. Ah non tu, non. Tu le connaissais bien? Je connaissais pas bien, mais je connaissais un petit peu quand même. D'accord. Et moi, je voulais t'en parler parce qu'en fait, c'est un des rares groupes que je n'ai jamais vu en live. D'accord. Parce qu'en fait, ils sont passés donc au Hellfest 2 fois. Là, ça va être la 3e fois, si je dis pas de bêtises. Ils sont passés en 2015. Ils sont déjà passés au Hellfest. Ouais. J'aurais dû le deviner en même temps. C'est un peu le concept. Ils sont passés en 2015, donc là, je connaissais pas du tout. Ouais. Ils sont passés en 2022. Là, j'étais un peu, moi, passé à côté. Mais je m'étais dit, faut y aller. Ouais. Et ils vont repasser cette année. Faut y aller parce que vous en aviez parlé et qu'il y avait quand même un petit côté intéressant ou musicalement déjà? Alors, justement, non, c'est de ça qu'on va parler après. Mais du coup, de quel groupe est-ce qu'on parle, Tonaï? Je pense qu'on parle de Igor. Effectivement, on va parler d'Igor. Et ben, tu vois, c'est pour ça que j'avais choisi cet extrait et que je l'ai laissé un petit peu durer. Parce que la particularité d'Igor, quand même, c'est que ça va un peu. J'ai pas envie de dire dans tous les sens parce que c'est un peu péjoratif. Mais c'est ça. Sûr que c'est fou, mais. Et ben, ouais, mais ça aussi, j'ai lu quelque part. Enfin, on va revenir là-dessus. Ouais. C'est pas le bon terme, mais je dirais que ça se permet justement un peu de tout. Okay. Sans limite. Ouais, je partirai là-dessus. Mais donc, on va parler d'Igor. Mais avant presque de parler d'Igor, je pense qu'il faut mieux parler de Gauthier Serre. D'accord. Connais-tu Gauthier Serre? Non, pas encore. Et ben, en gros, Gauthier Serre, c'est la tête pensante d'Igor. C'est d'accord. Vraiment de par lui que le groupe existe, en fait. C'est son projet. Ouais, parce que du coup, c'est un groupe ou c'est... Alors, on va dire que c'est plus un one-man band, okay. Mais qui pourrait exister seul. Mais en fait, aujourd'hui, tu te rends compte qu'avec les musiciens qu'il a, ça vient vraiment rajouter quelque chose. Ah ouais, ouais okay. Je trouve. Et donc, en fait, il est né le 5 juin 84. Et dans sa jeunesse, Gauthier, il écoute Domenico Scarlatti, Cannibal Corpse, Chopin, Meshuggah, Jean-Sébastien Bach, Affect Twins, Jean-Philippe Rameau. Et en fait, okay. C'est un peu tout ce mélange d'influences, justement, qui va arriver au bout d'un moment à créé Igor. D'accord. Donc il joue de la guitare, bien sûr, du piano, de l'accordéon, et il maîtrise à peu près tout ce qui peut ressembler à une machine capable de faire de la musique. Ouais. Tu vois, on regardait justement dès que t'es arrivé, j'ai dû oublier. Ah, le Theremin, ouais. Voilà. Et même, en fait, il s'est joué d'à peu près tout, en fait. Et donc, il va nommer son. Depuis 2005, il fait de la musique et il a créé Igor à peu près à cette période-là, si je dis pas de bêtises. Okay. Et il nomme son. Enfin, il fait de la musique, non, depuis bien avant, pardon, mais en tout cas, Igor, c'est depuis 2005. Il nomme son nouveau projet, donc Igor, parce qu'il en a toujours plusieurs, d'après le nom de sa gerbille, qui s'appelait Igor, mais il ajoute deux R pour intensifier la prononciation, pour faire okay. Igor. Okay. Vois, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il appelle sa gerbille Igor. Voilà, c'est ça. Et donc, comment tu décrirais, toi, la musique de Igor? Ah non, je sais, c'est un piège, c'est pas évident. J'aurais dit metal classique techno. Ah, pas mal. Ouais. Moi, j'ai marqué un groupe de breakcore, death metal, musique baroque, musique expérimentale, trip-hop, black metal. Waouh, tout ça. Ouais. Donc aujourd'hui, la discographie, elle se compose de 5 albums, et dont le dernier album, Amen, est sorti en 2025. Ouais. Et c'est un peu pour ça qu'ils viennent au Hellfest, pour promouvoir aussi cet album. Ok. Un album qui a quand même fait pas mal parler de lui, rien que de par la personne qui nous accompagne dans le podcast, à savoir Parcimonie, qui en a beaucoup dit de bien. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Moi, elle m'a beaucoup. Non, ça m'... Ah bah moi, beaucoup m'a dit, oh, le dernier Igor, il est trop bien. D'accord. Il est vraiment trop bien. Et à la base, en fait, le côté musical d'Igor vient du fait qu'il apprécie pas vraiment ce qui était proposé en radio, ni par ce que pouvaient proposer les majors musicales et la télévision. Donc lui, il a envie de se lancer dans quelque chose qu'il définit lui-même comme une forme de liberté de musique totale. Ouais. Donc toi, ça me surprend pas. Il a déclaré en 2011, il était en attente d'une musique qui réunissait tout ce qu'il y a de bon dans la musique, et déçu de ce qu'il entendait, il se met à créer sa propre musique. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que quand t'écoutes, quand tu écoutes Igor, t'as vraiment l'impression que c'est un peu un puzzle, un melting pot de vraiment beaucoup d'influences et de mélanges. Et j'ai vu des interviews parce qu'en fait, il est quand même tout. Tu vois, c'est pour ça qu'on dit que c'est pas un groupe et en même temps, on sait. Enfin, ouais. Il y a quand même une. J'imagine qu'il a ses musiciens de là. Non, il a ses musiciens. Après, ils peuvent changer parce qu'ils ont changé. Mais tu vois, là, pour la promotion de Amen, il a justement laissé les deux, la chanteuse lyrique et le chanteur au growl, répondre à une interview. Mais une longue interview que j'ai lue d'eux. Okay. Donc tu vois, il peut complètement laisser le projet entre leurs mains et tout ça. Et eux, ils racontaient que quand il fait ses enregistrements, en fait, c'est un peu parsemé. C'est-à-dire, ils viennent, ils interprètent pas forcément toute la chanson. Ouais. Ils vont venir, ils vont faire un passage, repartir. Revenir faire un autre truc, refaire des plages d'enregistrement plus longues et plein de variations comme ça. Et en fait, ils se rendent compte qu'entre la démo qu'ils ont entendue, qui est, on va dire, une base de chez base, lui, c'est déjà où il va. D'accord. Comme s'il savait déjà où il allait, et il le voit, en fait, le morceau se créer au fur et à mesure des enregistrements et des avancées. Okay, ouais. Et tu vois, c'est pour ça qu'on regardait, je te montrais vite fait une vidéo, tu vois, en fait, l'exemple, il est plus frappant, c'est, il veut créer une espèce de gong, il prend une lame de scie géante qui est fait pour couper des rochers, il la travaille, il la transforme, il en fait un gong, et il s'en sert que pour quelques sons, voire même un seul, et on s'en fout. Et il utilise plein d'instruments comme ça qui viennent de plein de pays, ça peut être des instruments mongols, ça peut être de partout, dans l'univers musical, en fait. Et faut les distinguer des fois. Voilà. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont l'air de dire que il sait déjà ce qu'il va en faire. Ça a l'air déjà pour lui, en fait, c'est comme si c'était dans sa tête, et lui il cherchait juste un moyen via un instrument de le faire ressortir. Quoi. Ouais, okay. Donc c'est vraiment un truc. Il va chercher loin des fois des idées un petit peu pour essayer d'aller chercher de la nouveauté, quoi. Ouais, de la nouveauté ou quelque chose qui lui parle. Et puis il y a tout qui est un petit peu en rapport. Tu vois, si je dis pas de conneries, je crois que c'est le premier album. Parce que j'ai marqué. Ah non, le deuxième album, Alléluia. Enfin, c'est plus que le deuxième album, parce que les deux premiers autoproduits, Poisson Soluble et Moisissure, les considère plus comme des démos que des premiers albums. Tu vois, il les considère vraiment comme, en fait, peut-être le moyen de. Ah bah, je vais apprendre à créer Igor, ça va être ma base, et après, voilà. Okay. Donc, il considère vraiment son premier album, Nostril, de 2010. Et par exemple, tu vois, il aime bien faire les choses un peu comme un mec un peu barré qu'il a l'air d'être dans son univers. C'est 2012, Alléluia, il a choisi cette date par rapport aux prédictions qu'il y avait à l'époque de 2012. Tu sais, quand il faisait la fin du monde il a fait dans cet esprit-là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à travers son projet Igor, il n'hésite pas à faire des feats. Si tu regardes sur Amen, il y a pas mal de feats. Ouais, il est pas contre les collabs. Non, et puis surtout, il fait venir des musiciens de groupes qu'il adore, en fait. Comme, d'accord, en fait, tu vois, il s'en sert aussi de cette manière-là. Mmh. Et puis, dans Amen, il y a aussi il y a toute une chorale qui vient participer, qu'il a fait enregistrer dans une église de Nice. Mmh. Et en fait, c'était comme si, en fait, lui, il avait sur la démo ou la bande, il avait préparé la version avec les sons, on va dire, dits analogiques de ça, mais que ça a pris une toute autre ampleur dès qu'il les a vraiment enregistrés dans cette église, quoi. Ce qui a créé un vrai truc. Et donc, pour en revenir à ce que je disais au tout début, moi, donc, ils sont passés au Hellfest et j'ai jamais vu ce groupe parce que quand j'y étais en 2022, ça fait partie des quelques groupes où je n'ai pas pu rentrer sous la halte. Ah oui. La halte dégueulait de partout et je n'ai pas pu rentrer. Ok. Vraiment. Ouais. Donc, ça faisait partie des groupes que je n'ai pas vu. Et je voulais en parler avec toi parce que quoi qu'on aime ou qu'on n'aime pas la musique, eh ben, Igor, ça fait partie de ces groupes qu'il faut voir, je pense. Et j'ai regardé quelques lives et c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien en live. Là où justement, moi, et je pense que c'est là où on va avoir peut-être un petit décalage, toi et moi, je suis passionné par tout ce qu'il y a dans Igor en termes de recherche. Oui, voilà, de réflexion. De côté artiste, de musical qui va aller au moindre détail. Tu vois, il y a le chanteur qui grôle ou la chanteuse lyrique, je sais plus lequel des deux, qui disait, si vous connaissez quelqu'un de perfectionniste, c'est que vous ne connaissez pas Gauthier. En fait, c'est vraiment ce que c'est lui. Va chercher dans le détail. Voilà, autant tu disais qu'il a une vision de ce qu'il veut. Du résultat, et, potentiellement. Il est tout le temps en recherche. Voilà. Donc j'imagine que le résultat final, il est en construction permanente. C'est ça. Et du coup, musicalement, moi, autant je peux écouter, mais autant j'arrive pas à savoir si j'aime bien. Ouais, parce qu'en fait, j'ai beaucoup regardé aussi les clips, parce que pour Amen, ils ont sorti quelques clips où on les voit en studio et tout ça. Je trouve ça trop bien. Ouais, je trouve ça vraiment bien. Tu vois, rien que le fait de se dire, à la fin, je veux vraiment faire un son avec une grue qui tape sur un piano, c'était parce qu'en fait, ils cherchaient le moyen de taper le plus fort possible sur un piano. Ils voulaient sortir le son le plus fort, mais violent. Ils voulaient faire ça. Et donc, ça, je trouve ça génialissime. Ouais, c'est fou. Mais quand j'écoute l'album, je me retrouve pas forcément là-dedans. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de sons électro, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui... de classiques. Ouais, ça me dérange peut-être un peu moins. Ça me dérange moins non plus. Mais c'est le mélange des genres au final fait que j'arrive pas trop à savoir si j'aime beaucoup. Mmh. Je sais que je trouve ça génial comme recherche et comme résultat, mais musicalement, je suis pas méga convaincu. Ouais. Par contre, toute la démarche m'intéresse. Et là, c'est là où moi je voulais me confronter à toi dans le sens, donc pour toi, ouais, Igor, t'en as pensé quoi? Eh ben, Igor, c'est un groupe que j'avais découvert quand j'avais une période un peu justement électro. Ah ouais. Ouais, parce que moi j'ai été par exemple un grand fan de Skrillex. Oui, tu vois, Skrillex. Et tu vois, c'est marrant, oui. Tu vois, t'as mis un passage, ouais, c'est totalement les sons un peu à la Skrillex. Alors après voilà, je suis peut-être un peu limité parce que bon. Non mais moi, c'est marrant que tu dises Skrillex parce que Skrillex c'est justement un des artistes où j'aimais bien le même mélange en fait. Je trouvais c'était quelqu'un qui faisait justement des recherches et des tiens, je vais mélanger ce son-là avec ce son-là, avec ce son-là, et j'aimais bien. Ouais. J'écoutais pas forcément, oui, mais bien j'aimais sûr. Bien. Ah, toi, bah, j'étais ouf de Skrillex. Ça m'étonne pas. Et c'est à ce moment-là, justement, où bah, justement, je faisais pas mal de sorties et tout dans ce milieu-là, et j'ai découvert un peu Igor. Ouais, d'accord. Tu vois, parce que bah, il y a un lien quand même, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En termes d'électronique. Ouais. En termes d'électronique. Après, bah, il y a beaucoup les sons métal, les sons un peu classiques et tout. Ce qu'on retrouve souvent, en vrai, hein, quand tu écoutes la plupart de la discographie. Hein. Après, je suis peut-être moins l'oreille perfectionné et tout ça, mais en tout cas c'est beaucoup ce que je retiens de la musique d'Igor. Oui, c'est pour ça que je t'ai dit que pour moi c'était un peu métal classique. D'accord. Électro, non mais t'as pas tort. C'est vraiment pour moi ce que j'entends le plus souvent quoi. Et surtout pour aller un peu dans le sens de ce que tu disais, on pourrait se dire en écoutant Igor que tout est fait justement via ordinateur et tout, on pourrait se dire ça et justement lui il va pousser le truc au bout en disant non tout va être enregistré pour de vrai. Ouais, bien sûr. Donc alors toi, ça, c'est un groupe que jamais de la vie j'aurais loupé une certaine époque. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, parce que c'était trop mon délire. Enfin, c'est assez fou, c'est vachement rapide, c'est assez percutant. Ça prend quand même une ampleur assez forte. Mm-hmm. Avec, tout ce qui est, les apports classiques, électro, ça donne vraiment, une dimension de malade que j'aurais surkiffé une époque. Ouais. Donc là, le fait de réécouter aujourd'hui. Aïe. Non, mais okay, j'aime toujours autant, mais ça, c'est moins pour moi aujourd'hui, tu vois. Okay. En plus, tu vois, peut-être je me trompe complètement, mais j'imagine que Igor, il sera peut-être calé en dernier parce que c'est tête d'affiche. Tête d'affiche. Ah ouais, donc il sera pas en dernier, il sera peut-être. Et tête d'affiche. Bah, il va clôturer l'altar, mais ça peut être en dernier. Voilà. le surage, l'altar. Mais ça. Mais c'est pas, tête d'affiche. Ouais, mais non, mais bien sûr. Ah, d'accord. Tête d'affiche sont toujours en dernier. Non, justement. Mais ah, voilà, c'est paradoxal. Mais normalement. Mais ça, c'est. En tout cas, c'est le gros groupe. C'est le prime time. Ah non, mais c'est totalement un son qui termine une soirée parce que va faire quelque chose derrière parce que ah, tu vois ouais. Ça. Enfin, si tu veux t'éclater là-dessus, t'as pas intérêt de t'être donné quand même malade toute la journée ou t'as intérêt d'être un putain de mec super énergique quoi. Et je pense qu'aujourd'hui j'ai plus cette énergie. Ah, surtout aujourd'hui. Bah c'est ça. Bah, surtout aujourd'hui ouais. Mais du coup donc je suis un peu mitigé tu vois parce que ouais. J'aurais trop envie. Je pense que je pourrais y aller. Mais il y aurait peut-être un peu justement il y aurait peut-être un peu ce côté frustration de pas vivre le truc. Ça après valeur, est-ce que tu as jeté un œil sur des lives? Non. Alors c'est très marrant des lives parce qu'il y a Gauthier, il est sur son poste un peu multi-instrumentiste. Ouais, il a tous ses instruments. Voilà. Après, et en fait, ça réagit comme un vrai concert. C'est-à-dire, c'est, moi j'avais vu, tout le monde était un peu commencé à s'exciter un peu dans le pit. Ouais. Et c'est quand le chanteur est arrivé que genre alors que le créateur était déjà là, tu vois. Mais c'est marrant, voilà. Donc, ouais. Mais et par contre sur scène, ça ressemble plus pour moi à un concert vraiment métal qu'à un truc électro justement. Ah ouais, ouais. Ouais. Pour moi, ça ressemble plus à ça. Ouais. D'accord. Ouais, tu vois, ça. Je pense que je serais quand même curieux. Après, ouais. Je la sens venir, cette frustration de pas pouvoir sauter partout. Mais tu pourrais, mec. Bah, oui, bah il faut qu'il me reste de l'énergie à cette heure-là. Donc voilà, non, franchement, je pourrais quand même garder cette curiosité et puis aussi, bah voilà, pour surtout que le dernier album, il est vraiment top. Hein. Ouais. Moi, j'aime bien. Hein. Allez, à l'écouter, c'est excellent. Alors, qu'est-ce qui t'en empêche, mec? Non, je pense que je vais rester quand même sur mon avis de base. Après, je la sens venir, cette frustration, je te jure. Mais tu penses que tu pourrais aller là-bas genre et ne pas pouvoir en profiter juste parce que t'es vieux? Bah non, c'est pas ça. C'est que moi, j'ai du mal à jauger, tu vois. Je vais me dépenser et puis à cette heure-là, je vais être cuit. Mais je pense pas. Je me rappelle les dernières sessions, là, des fois, vers cette heure-là, j'avais plus de cheville, j'étais minci. Et oui. Pour profiter, c'était chaud, quoi. Oui, mais dans ce cas-là, à toi de te mettre peut-être au... Mis à part ce contexte physique vieillard. Attends. Je pense que non, ouais. On est aujourd'hui le 13 février. C'est vendredi 13. Faut aller jouer. Non. Si, c'est vendredi 13. Ah ouais? Ouais, faut aller jouer. Moi, ça me fait peur. Vendredi 13, tout ça. Ah, je t'en parlerai après, mais j'ai commencé. Ah, c'est pour ça que tu voulais pas que je mette mon masque? Parce que. Bah, le masque de vendredi 13, t'avais un petit. Ça te fait un peu peur. Ah oui, c'était ça? Non, putain! Ah, ouais. Tu m'as percé à jour. Je sais plus ce qu'on disait, mais bah, bravo. Non, mais moi, je pense que tu te trompes sur peut-être le côté fête qu'il va y avoir. On sera plus sur un concert. Et je pense que tu te trompes aussi sur le fait que de février à juin, t'as encore largement le temps de te refaire une santé, mec. Non, mais en plus, j'y travaille. Oh, bah, c'est bon, alors. Non, c'est bon, t'as raison, je crois que c'est vendu. Non, mais je pense qu'il y a de grandes chances que je sois devant. Et, bah, on verra ce qu'il y a en face aussi. Hein, ok. Parce que, voilà. Mais il y a une époque, par contre, j'aurais foncé les têtes baissées devant, j'aurais fait le guedin de ce... Et là, c'est un peu moins le cas. Je pourrais m'étonner moi-même. Hein. À toi de me dire. Donc t'y vas pas. Allez, j'y vais. Ok. Bon bah écoute Tenaille, je serai sûrement avec toi parce que cette fois je ferai en sorte d'y être devant. Ouais. Parce que là je veux au moins les voir une fois. Je veux y être en mode j'y vais, je veux être devant et je veux les voir. Ouais, parce voir que... un peu le show. Ouais. En vrai, je veux le voir en vrai parce que même si je suis pas un énorme client sur album, j'ai envie de le prendre en live. Quoi. J'ai envie de le prendre en live en me disant ah bah ouais c'est cool. Ouais. Non mais ça m'étonne pas. Bah écoute Tenaille, merci beaucoup. Eh ben merci à toi. On se retrouve rapidement. Ouais, carrément. Et tu me soignes ce petit rhume, hein. Ouais, je suis dessus. Ouais. À fond. Allez, à fond. À la prochaine Tenaille. Merci ciao. Beaucoup. Salut.